La Bible David Martin 1744. Le deuxième livre des Chroniques, chapitre 1. Or Salomon, fils de David, se fortifia dans son règne, et l'Éternel son Dieu fut avec lui, et l'éleva extraordinairement. Et Salomon parla à tout Israël, savoir aux chefs de milliers et de centaines, aux juges, et à tous les principaux de tout Israël, chefs des pères. Et Salomon et toute l'assemblée qui était avec lui, allèrent au lieu qui était à Gabaon, car là était le tabernacle d'assignation de Dieu, que Moïse, serviteur de l'Éternel, avait fait au désert, mais David avait amené l'arche de Dieu de Kirjath-Jéarim dans le lieu qu'il avait préparé, car il lui avait tendu un tabernacle à Jérusalem. Et l'autel d'airain, que Betsaleel, le fils d'Uri, fils de Hur, avait fait, était à Gabaon, devant le pavillon de l'Éternel, lequel fut aussi recherché par Salomon et par l'assemblée. Et Salomon offrit là devant l'Éternel 1000 holocaustes sur l'autel d'airain, qui était devant le tabernacle. Cette même nuit Dieu apparut à Salomon, et lui dit, « Demande ce que tu voudras que je te donne. » Et Salomon répondit à Dieu, « Tu as usé d'une grande gratuité envers David mon père, et tu m'as établi roi en sa place. Maintenant donc, ô Éternel Dieu, que la parole que tu as donnée à David mon père soit ferme, car tu m'as établi roi sur un peuple nombreux, comme la poudre de la terre. Et donne-moi maintenant de la sagesse et de la connaissance, afin que je sorte et que j'entre devant ce peuple, car qui pourrait juger ton peuple, qui est si grand ? » Et Dieu dit à Salomon, « Parce que tu as désiré ces avantages, et que tu n'as point demandé des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de ceux qui te haïssent, et que tu n'as pas même demandé de vivre longtemps, mais que tu as demandé pour toi de la sagesse et de la connaissance, afin de pouvoir juger mon peuple, sur lequel je t'ai établi roi, la sagesse et la connaissance te sont données, je te donnerai aussi des richesses, des biens, et de la gloire, ce qui n'est point ainsi arrivé aux rois qui ont été avant toi, et ce qui n'arrivera plus ainsi après toi. » Après cela Salomon s'en retourna à Jérusalem du haut lieu qui était à Gabaon, de devant le tabernacle d'assignation, et il régna sur Israël. Et il fit amas de chariots et de gens de cheval, tellement qu'il avait mis les 400 chariots, et 12 000 hommes de cheval, et il les mit dans les villes où il tenait ses chariots, il y en eut aussi auprès du roi à Jérusalem. Et le roi fit que l'argent et l'or n'étaient non plus prisés dans Jérusalem, que les pierres, et les cèdres, que les figuiers sauvages qui sont dans les plaines, tant il y en avait. Or quant au péage qui appartenait à Salomon de la traite des chevaux qu'on tirait d'Égypte, et du fil, les fermiers du roi se payaient en fil. Mais on faisait monter et sortir d'Égypte chaque chariot pour 600 pièces d'argent, et chaque cheval pour 150, et ainsi on en tirait par le moyen de ces fermiers pour tous les rois des Éthiens, et pour les rois de Syrie.